Le poids de l'absence, tu le ressens. Après des mois et des mois, c'est dur à dire, mais je lutte pour pas oublier ta voix. Plus jamais ta tête au-dessus de mon épaule. Je range avec mes souvenirs, les photos dans ma piole. V'là le vide, des fois ça me prend dans le bide. Ras-le-bol d'endosser le rôle du mec solide, ambiance sordide. Sixième étage sous la verrière. On a tout changé, rien à faire, tout me rappelle hier. Moi gère dans l'appart, des flashs comme des tartes. Pas de cantine, le vendredi c'est chez mamie, service à la carte. Du balcon je mate la cour de la primaire. Tu nous guettais de là-haut, j'ai si lâche pas la main de ton frère. La grille des palzonniers est ouverte, mais n'aie pas peur de leur cabot. Papa n'ouvre pas les rideaux, il aime pas le vis-à-vis. Quand je passe le voir, ça me fait vraiment bizarre. D'être là debout dans le salon, et plus voir Paris. Plus voir Paris, plus voir Paris.